Et c'est quand même... La Cité internationale de la gastronomie de Lyon présente l'exposition Microbiote, d'après le best-seller « Le charme discret de l'intestin ». Un voyage au cœur du corps humain pour tout savoir, ou presque, sur ce qui se joue dans ce second cerveau qu'est notre intestin. Une exposition immersive, pédagogique et drôle pour tous les âges. Entrée gratuite pour les moins de 18 ans. Microbiote, à découvrir jusqu'au 30 juin, grand cloître de l'Hôtel Dieu Lyon 2e, métro Bellecour. Plus d'infos sur grandlyon.com/cité-gastronomie. La science CQFD, Antoine Beauchamp. On fête aujourd'hui les 20 ans d'une maison d'édition à part dans la littérature de science-fiction en France, les éditions de la Volte. 20 ans après, quel chemin a été parcouru par ces mousquetaires de l'imaginaire ? Sabrina Calvo, Lu Van, Philippe Curval ou encore Léo Henry figurent parmi la longue liste d'autrices et d'auteurs qui ont confié leurs mots et leurs visions à une maison créée au départ pour un livre devenu monument, La Horde du Contrevent d'Alain Damasio. 20 ans après ce livre, plus de 100 titres ont été publiés et la fougue de la Volte persiste. C'est donc avec joie que nous dressons le portrait sur le vif de cette maison d'édition atypique, aussi bien dans sa pratique éditoriale que dans ses combats. Et qui dit anniversaire dit aussi cadeau, donc on vous réserve quelques surprises. Science-fiction, une Volte à 20 ans. Bonjour Mathias Echenet. Bonjour. Vous êtes fondateur et directeur de la maison d'édition La Volte. Bonjour Naël Hachka. Bonjour. Vous êtes coordinatrice et chargée des relations librairie aux éditions de La Volte. Bienvenue à tous les deux et bienvenue à vous qui nous écoutez. Je vous l'ai dit, on a quelques invités surprises pour cette émission tout aussi champagne que possible. Vous pouvez, comme chaque jour, vous qui nous écoutez, nous retrouver sur notre compte X @sciencecqfd pour retrouver tous les articles et les liens qui nous ont permis de préparer cette émission. On y est, La Volte à 20 ans. Vous doutez bien, Mathias Echenet et Naël Hachkar, qu'on vous a préparé quelques petits cadeaux. Mais avant de les ouvrir un par un, on va regarder un petit peu dans le rétroviseur, Mathias Echenet, et je vais vous poser une première question. Il y a 20 ans, en 2004, au moment où vous lanciez La Volte, est-ce que vous pensez que vous défendriez, 20 ans plus tard, un catalogue de plus de 100 livres et que vous seriez en train de réfléchir aux nouveaux espaces éditoriaux à explorer? Vous l'auriez cru, ça? C'était votre ambition? Vraiment, j'en sais rien. Je pense qu'une partie de moi imagine que ça nous aurait beaucoup fait rire de nous imaginer 20 ans après. Là, en même temps, je pense que je savais que tout était possible. On va en reparler certainement, que j'avais pas une idée hyper précise non plus de ce qu'on allait faire, de tout ce qu'on allait faire. Mais moi, je pense que j'aurais été étonné de certaines choses, oui. En préparant cette émission, j'ai vu que vous aviez mis 10 ans à coller le qualificatif de science-fiction aux éditions de La Volte. Ça venait d'où cette crainte ou cette absence d'envie de déterminer votre maison d'édition? Alors, sans tomber dans l'autopsychanalyse, je pense quand même qu'il y avait quelque chose de personnel où peut-être que je cherchais un truc de reconnaissance qui était allé chercher du côté de la littérature. Mais sinon, la première raison, c'est, et j'en suis toujours convaincu, ça s'est un peu changé heureusement depuis, c'est les lectorats, ou plutôt les médiateurs et médiatrices du livre, hein. Médias et libraires, bibliothécaires, et quand on disait science-fiction ou quand il y avait un mot qui pouvait laisser penser que c'en était, eh bien cette impression qu'une grande partie de ces gens-là n'écoutaient plus avec des blagues, enfin ça arrive encore, hein, mais en disant ah bah d'accord c'est pour mon fils ou mais c'était pas sérieux, c'est pas sérieux quoi. Donc voilà, donc pendant très longtemps je pensais que effectivement c'était important d'aller chercher un lectorat du côté de ce qu'on appelle la littérature, on va dire du rayon littérature pour dire ça, puisque je rappelle que il y a un rayon qui s'appelle littérature et il y a un rayon qui s'appelle science-fiction. Déjà c'est drôle. Donc voilà, je voulais absolument aller chercher de ce côté-là les lecteurs et les lectrices parce que je pensais qu'ils étaient beaucoup de ce côté-là. Voilà, puis à un moment, j'ai compris que ça servait à rien. Oui, et puis pas vous enfermer dans une case et d'une certaine façon pouvoir faire exactement ce que vous aviez envie de faire, ce qui est un peu votre leitmotiv. C'est vrai que je me reconnaissais pas non plus. Enfin, d'abord, j'ai toujours pas... Ça évolue, on a plein de discussions, c'est sans cesse des discussions sur qu'est-ce que la science-fiction. J'aime bien dire que j'en sais rien et j'aime bien dire qu'on n'en fait pas partie. Donc, bien entendu, c'est déjà contradictoire. Et Et du coup, voilà, il y a des livres pour moi qui en relèvent, d'autres qui en relèvent pas, et c'est pas grave, voilà. Mmh. Mais maintenant, oui, on revendique de la science-fiction, parce que bah, finalement, c'est plus simple, et puis c'est aux autres de s'adapter, mais ça a évolué aussi le contexte. On va bien sûr avoir le loisir d'évoquer cette évolution-là et toutes ces questions que vous vous posez en continu en tant qu'éditeur de littérature de science-fiction, de littérature de l'imaginaire. Mais si on revient à la source, il y a un auteur clé dont on doit évidemment parler quand on évoque la jeunesse de La Volte, il s'agit bien sûr d'Alain Damasio, qui fait partie des auteurs vénards pour qui des fous comme vous, Mathias Echenet, vont construire Ex Nihilo, une maison d'édition. Le premier roman publié par La Volte en 2004, c'est donc La Horde du Contrevent. Et Alain Damasio a répondu à quelques questions pour nous raconter ce moment, et je lui ai posé une toute première question. Quel sens a ce mot de Volte? Oui, on peut dire que je suis l'inventeur du mot. En tout cas, le mot a été repris par la maison d'édition à partir de la zone Udor. Moi, je l'avais posé comme étant une tentative d'échapper à la révolte. Dans le mot révolte, il y a l'idée que on va effectivement renverser l'ordre établi, mais l'ordre établi va revenir en boucle. Et dans la Volte, il y avait l'idée d'un saut, d'un salto. C'est un terme qui désigne la façon aussi dont un cheval peut se retourner et dont un acrobate peut bondir. Et pour moi, il y avait cette idée d'une alternative politique, en fait, qui soit pas arc-boutée au pouvoir établi. C'était pas juste essayer de renverser un pouvoir en place, c'était proposer vraiment autre chose. Donc, il y avait une idée de joie, il y avait une idée d'ouverture, il y avait une idée d'invention aussi dans des façons de vivre ensemble, quoi. C'était ça le sens. Si on retourne 20 ans en arrière, je vous demanderais de pas trop réfléchir, comment est-ce que vous décririez par impression ou par flash ce moment un peu hors du commun dans l'histoire de l'édition où une maison, La Volte, s'est constituée autour de votre roman La Horde du Contrevent? C'était incroyable. En fait, c'était incroyable parce que j'avais ce roman La Horde du Contrevent qui était dont personne ne voulait. Je recevais des lettres de refus assez ubuesques. Et j'ai contacté Mathias Echenet, on avait discuté, je le revois encore sur son canapé. En train de consommer des substances illicites et hésitant à fonder la maison, et je l'ai poussé, et je trouve ça incroyable qu'on puisse fonder une maison pour un de mes livres, quoi. Moi, j'étais totalement inconnu à l'époque, j'avais vendu 500 exemplaires de La Zone Udor, donc j'étais un auteur jeune et inconnu. Ouais, j'ai le sentiment d'euphorie un peu, quoi, qui me revient, ouais. Et cette euphorie, elle a accompagné toute votre collaboration avec les équipes de La Volte. Qu'est-ce que vous, ça a changé dans votre rapport à l'idée d'un collectif qui est quelque chose de très important pour vous, non seulement dans votre vie, mais aussi dans vos écrits? Ce qui est fou, c'est que sur La Volte, il y a déjà Mathias Echenet, je le connais maintenant depuis, je crois, 33 ans. Donc, c'est un ami de très longue date. On a coévolué, on s'est co-construit avec la maison d'édition. Moi, ce qui est fabuleux, c'est, ouais, il y a vraiment un sentiment de chez soi. Voilà, quand je suis dans La Volte, quand je vois les Voltés, quand je vois tous ces écrivains qui sont pour beaucoup des amis, j'ai l'impression d'être à la maison, quoi, tout simplement. J'aime pas utiliser le terme famille parce qu'il est un peu galvaudé, mais c'est vraiment une forme de camaraderie. Ouais, j'ai l'impression d'être dans un groupe militant. La Volte à 20 ans. À 20 ans, on a généralement la vie devant soi. C'est aussi l'âge où parfois on s'engage dans des luttes, dans des combats. Quel combat pour le futur vous souhaitez à La Volte, cette jeune maison d'édition? Moi, je souhaite qu'il y ait toujours cette espèce d'incroyable inventivité et d'incroyable acceptation de textes qui sont vraiment hors normes pour la plupart, et hors normes sans être illisibles, hors normes sans être chiant à lire, quoi. C'est-à-dire que c'est des textes qui sont, pour moi, la pointe de ce qui se fait aujourd'hui, que ce soit... Voilà, le dernier texte de l'ICAM, par exemple, Visite, où elle réinvente complètement la langue en décidant d'éliminer tout ce qui est féminin et masculin dans le langage, d'avoir un vrai langage neutre et queer. Mais je veux dire, faire ça, c'est fou. Le publier, c'est encore plus fou. Et pourtant, ça se lit, c'est fluide. Et au bout de 2-3 pages, on est à l'intérieur. Ou les 120 nouvelles de Léon Henry, quoi. C'est un texte, moi, que j'ai suivi pendant 10 ans, puisqu'il écrit une nouvelle par mois, et moi, je les recevais par mail, ces nouvelles-là. De le voir publier, oser le publier, avec cette diversité, cette agilité, cette virtuosité de fou, quoi. Moi, je la sens super jeune, cette maison d'édition. Elle est aussi fraîche qu'au premier jour, parce que personne voulait de La Horde, encore une fois. Parce que La Horde, c'était une polyphrénie, c'était 23 personnages, c'était un monde de fou. Et cette fraîcheur-là, personne dans l'édition installée n'avait envie de l'assumer. Et de la même façon, aujourd'hui, La Volte assume de publier des auteurs récents, fous, ce qu'on dit inclassables, mais même ça veut rien dire. C'est juste des auteurs brillants et des autrices brillantes qui ont besoin d'avoir une maison, quoi, justement. Voilà. C'est la maison des fous, un peu, La Volte. Et ça reste à 20 ans, pour moi, un début de carrière, en fait. Pour moi, ils sont comme au début, même les variations Volodine. Enfin, il y a tellement de livres qui sont fous de publier 6 CD de coffrets de Volodine et de tout ce qu'il a fait en concert et en audition. Volodine a beau être ultra connu aujourd'hui, un auteur ultra salué, personne n'a osé faire ça, quoi. Donc, ouais, c'est cette fraîcheur, moi, qui m'impressionne. La fraîcheur, Mathias Echenet, vous l'avez gardée, Alain Damasio. si, je peux témoigner, je vous vois. Alain Damasio, c'est quand même 400 000 exemplaires écoulés de cette Hors du contrevent. Comment on se remet d'un tel succès? J'imagine qu'on vous a posé la question mille fois, mais dans le monde de l'édition, c'est pas tant une bonne nouvelle que ça. Quand on est une petite structure de vendre autant de livres, ça peut couler des maisons d'édition et l'économie de la maison d'édition ne peut ne pas suivre. Alors, comment vous avez fait pour, réaliser ce tour de magie? Eh bien, je vais donner mon truc, c'est je fais plein d'autres livres qui perdent de l'argent. Non, ah, c'est bien. C'est même pas un objectif. D'abord, le best-seller, oui, c'est dingue, c'est effectivement très rare. Il est en folio, donc effectivement, on touche des droits. C'est la bonne. Enfin, ça nous permet de ne pas perdre d'argent ou d'en gagner parfois. Mais c'est pas la même chose que les vendre, soit même les 400 000. Bon, ça, c'est la première chose. Et puis sinon, bah oui, moi, je travaille, j'ai toujours été dans l'édition par ailleurs. Je continue même d'avoir un travail dans l'édition. Je suis maintenant consultant. J'arrive des fois, il y en a certains qui disent, c'est l'éditeur de La Volte. Donc, tout de suite, je calme le jeu en disant, mais vraiment, toutes les conneries, je les fais et je sais de quoi je parle. Heureusement, vous avez une chouette équipe pour les rattraper derrière. Pour les rattraper parfois ou pour essayer de les rattraper. Mais voilà. Donc effectivement, je me méfie beaucoup de on connaît beaucoup les maisons d'édition qui ont trépassé à cause de leur succès. Donc, voilà. On a gagné vraiment, ça a été incroyable, c'était en 2019 pour la sortie des Furtifs, qui là a été un best-seller aux éditions La Volte. Pile poil pour les 15 ans de La Volte. Ouais, exactement. Dingue, oui, c'était vraiment, évidemment, tout était prévu. Quand on nous connaît, on sait que tout est prévu. Et Alain est toujours à l'heure, par exemple, aussi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Il n'a mis que combien d'années pour écrire les Furtifs? Oui, c'est 10 ans, ouais. Et du coup, on a gagné de l'argent cette année, on a créé un poste, j'ai fait des travaux, voilà, puis c'est tout. Voilà, puis on veut pas grandir en termes de nombre de livres, c'est pas un objectif. Tout de même, depuis le début, c'était pas un objectif de toucher le jackpot. Je connais suffisamment l'addition pour ne pas vouloir jouer à ça parce que vraiment, c'est sans fin. Naël Ashkar, je vous voyais opiner du chef, approuver certains propos d'Alain Damasio. Vous vous retrouvez dans ce qu'il dit quand il parle de famille, quand il parle de collectif, quand il parle de tous ces mots assez jolis? Ah, pour le coup, tout à fait. Je me souviens, quand je suis arrivée à La Volte il y a 3 ans, j'étais toujours très étonnée par le temps que Mathias passait avec ses auteurs. Et puis, quand on me pose la question, le premier mot qui me vient, c'est aussi famille. Et je dis toujours, La Volte, c'est plus qu'une maison d'édition, c'est une maison. Et on sent c'est vrai, puisque les locaux sont dans la maison de Mathias Echenet, dans sa cave. Et cette phrase, finalement, je pensais l'avoir trouvée toute seule, mais Mathias m'a rappelé que c'était Philippe Curval, un autre membre de la grande famille de La Volte, qui l'avait évoqué. Cette phrase était de lui. Et ouais, pour les 10 ans de La Volte. Pour les 10 ans. Dit, dans maison d'édition, il y a maison. Et puis Philippe, il savait, puisqu'il en a connu des maisons, il en a connu des périodes. Philippe Curval, qui nous a quittés en 2003 et qui avait rejoint La Volte il y a quelques années et qui faisait partie de ces auteurs de la première génération, en tout cas, qui était un de ces pionniers de la SF à la française. Et on reviendra, bien sûr, à ce croisement des générations au sein de votre maison d'édition. Mais avant ça, puisque c'est la magie de la radio et que c'est fête, c'est champagne aujourd'hui. Oui, il est où le champagne? Il y a une tête qui est rentrée dans le studio, le grand maître du bizarre de France Culture, François Angelier, animateur tous les dimanches à 15h de Mauvais Genre sur France Culture. Vous, François Angelier, vous êtes une espèce de vigie dans ce monde de l'imaginaire et un témoin au long cours. Comment est-ce que vous avez vu débarquer ces jeunes foufous de La Volte il y a 20 ans et avec ce texte qui, je crois, vous avez beaucoup marqué de La Horde du Contrevent? Ça commence toujours de la même manière, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui mise sur une case précise, généralement la case où personne ne veut miser, et comme ceux qui misent gros sur les cases maudites, quand ça marche gros et ça marche fort et ça marche pendant longtemps. Donc ce qui est arrivé avec Mathias Echenet, je me souviens, c'était au Festival Utopial de Nantes, bon, et la Communauté, c'était en 2004, je crois, effectivement, ça existait depuis 4 ans, donc bah, toute la communauté était là, les gens qui travaillaient à divers niveaux sur l'imaginaire, la science-fiction, le fantastique, et Jacques Baudou, qui était à l'époque le grand maître... beaucoup de grands maîtres de l'imaginaire de la science-fiction du polar au monde, passaient dans les rangs, un peu, les rangs étaient un peu, bon, open bar, et disaient, attention, là, il est temps, il faut dessouler, il y a quelque chose qui est en train de se produire, il y a un livre qui est arrivé, ça s'appelle La Horde du Contrevent. Ouais, ouais, ok, d'accord, salut, Jacques. Mais non, non, faites attention, c'est vraiment bon. Alors, moi, je l'avais reçu avant le festival, je l'avais honnêtement pas, je m'étais pas précipité, pas parce qu'on reçoit quand même plusieurs livres par semaine, et je l'avais mis de côté, et bon, voilà. Et je l'ai lu dans le Nantes-Paris qui me ramenait du festival. Et effectivement, je me suis dit que Jacques Baudou, une fois de plus, avait raison, avait eu le nez creux, avait eu flairé le ventre comme il fallait, et qu'on avait là un livre qui débordait un petit peu à la fois les catégories de l'imaginaire. C'était pas de la science-fiction, du fantastique, de la fantasy. C'était une sorte de récit. Voilà. C'est quelqu'un qui s'attaquait à l'ordre du récit. Alors ça, c'était déjà impressionnant avec les différentes visions. Bah, on va pas parler à raconter l'art du contrevent. On peut dire que c'est un équipage qui va chercher l'origine d'un vent fou. L'origine du souffle, voilà. donc à l'origine des récits, à l'origine des mots, à l'origine du monde. Bon, alors et ça, je disais ça comme ça, avec les icônes dans les marges, avec cette espèce de lyrisme qui galopait comme ça, c'est bon. Et effectivement, après, on a tout de suite, à mauvais genre, organisé une émission avec la Horde du Contrevent, parce qu'en plus, c'était un objet, ce livre. Donc on sentait que l'éditeur qui était derrière ça, non seulement avait fait un gros pari sur le plan de littéraire, sur le plan du langage, de l'écriture, et ça continue. D'ailleurs, moi, c'est ce qui m'est le plus sympathique, c'est François Guérif, autre maître éditeur, qui est dans un débat, il dit, ce qui m'intéresse chez les écrivains, c'est l'écriture. Bon, ça a l'air comme ça, mais c'est pas évident. C'est assez rare, et quand un éditeur privilégie l'écriture, il faut être là, quoi. Et donc, Mathias Echenet privilégie l'écriture, le travail sur la langue, l'histoire du langage, l'histoire de l'imaginaire et de l'écriture. Et donc, voilà, ce qui fait que on a embarqué, avec La Volte, et on a suivi... les pérégrinations et l'évolution de cette maison d'édition. Avec Sabrina Calvo. Et puis j'ai vu que les livres qui étaient poussés en avant pour les 20 ans, bon, il y a évidemment La Horde du Contrevent qui est le monument fondateur, le monolithe autour duquel viennent danser les singes. mais il y a aussi donc Hildegarde de Léo Henry. Alors ce qui prouve bien, d'ailleurs, ce qui montre quand même qu'on a affaire à des gens qui débordent le récit vers l'imaginaire, c'est que c'est quand même un récit extraordinaire, un récit historique sur cette mystique médiévale qui était à la fois une musicienne, la pharmacopée, les visions, la prophétie et tout ça. Et Léo Henry est quelqu'un qui change à peu près de genre à peu près à chaque livre. Et donc là, il nous a fait le plaisir de faire un formidable récit sur la mystique médiévale. Et à côté, il y a Toxoplasma de Sabrina Calvo. Eh ben, ça tombe bien, parce que allô, Sabrina aussi, Calvo. Alors que moi, j'avais reçu avant. François, vous aimez beaucoup la radio. Oui, un peu trop. Un peu trop, peut-être, parce que on est en ligne exactement en ce moment même avec Sabrina Calvo. C'est la magie. Que je salue. Bonjour, Sabrina Calvo. Salut. Bonjour, tout va bien? Vous nous entendez? Ouais, ça va. Bon, merci beaucoup d'être en ligne avec nous. On est en studio avec François Angelier qui parlait à l'instant de vous, Mathias Echenet, Naïel Ashkar. Naïel Ashkar, tout à l'heure, parlait de l'aspect maison, dans maison d'édition. Qu'est-ce qui, dans La Volte, pourquoi La Volte est une maison pour vous, selon vous? Ben, pour moi, ça a été une maison littérale, hein. Je veux dire, au sens où, à un moment donné, moi, j'avais plus de maison. J'avais plus de maison physique, j'avais plus de maison éditoriale. Vous m'entendez toujours ? Très bien. Super. Et du coup, ça a été ma maison, quoi. Donc, je sais que cette période-là a été compliquée pour moi. et du coup, j'étais vraiment, je pense pas avoir été une personne extrêmement respectueuse de la vie des autres. Je pense que j'étais quelqu'un d'assez borderline à ce moment-là, et que ça m'a vraiment beaucoup aidé de trouver ces personnes qui soient à ce point attachées à ma liberté, à ce point attachées à le souci de me voir éclore quelque chose. C'était une période vraiment compliquée de ma vie. Et j'étais avec mon chat à l'époque. j'avais j'ai une assez bonne anecdote là-dessus. C'est qu'en fait, j'avais un chat noir. Et il y a déjà un chat noir à la Volte. Et mon chat, il est un chat qui était un peu compliqué. D'ailleurs, il m'a plaqué. Et du coup, quand il est arrivé chez Mathias, il a pris la place de l'autre chat. En fait, c'était trop compliqué parce que j'aimais bien cet autre chat aussi. Et du coup, il y avait une espèce de pas de lutte de territoire, mais il y avait vraiment un enjeu qui était placé dans ces deux démons noirs là. Et je m'en voulais un peu parce que je voyais comment se comportait mon chat et je voyais que je me comportais un peu comme elle en fait. Quoi. Et c'est que plus tard, quand j'ai commencé à vraiment apprendre à prendre soin des gens, de moi d'abord et après des gens, que j'ai compris que la chance que j'avais eue de pouvoir trouver cette maison à ce moment-là. Vous parliez de liberté. Quel espace de liberté et d'exploration vous offre la Volte ? Vous m'entendez toujours ? On vous entend. Il y a un peu de souffle. Je check avec vous parce que je suis dans un champ ouvert à Londres avec des avions qui passent et du vent et des chats. Et du coup, voilà. Et la liberté, je crois que c'est un mot qui est compliqué à déterminer. Je pense que c'est pour chacune quelque chose de très différent, mais il y aura une. Je préfère parler de libération, en fait. C'est-à-dire d'endroit où on peut enfin se respecter et on peut enfin apprendre la paix avec les autres, parce que la libération, parce que d'abord il y a les libérations, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité pour l'être fluide de se révéler et pour la parole de se donner. Et à partir de là, il n'y a pas de paix en forme de tolérance du genre je suis chez moi et je suis en paix avec toi, mais par contre il faut que tu te comportes de cette manière-là. C'est vraiment apprendre le droit de libération, c'est pas ça les autres, pour leur permettre de prendre alors, peut-être la place que... dont elles ont besoin. Oui, Sabrina Calvo, si vous pourriez tourner le dos au vent, faites l'inverse de la route du contre. Je suis dos au vent. Bah, il est très fort. C'est oui, un champ ouvert à Londres, il n'y aura pas d'arbres en plus. Continuez, pardon. Je ne sais pas si vous avez entendu tout ce que j'ai dit, mais je parlais juste de la libération et d'émancipation personnelle, qui était pour moi la condition préalable à la paix et à la vie en commun. Et du coup, c'est ce que j'ai appris. Il y a une notion d'engagement aussi qui est propre à la Volte. Est-ce que vous, Sabrina Calvo, vous pourriez travailler avec une maison d'édition politiquement tiède, on va dire ? Ben, c'est pas le cas en fait. Je travaille pas avec des gens tièdes parce que je pense que l'urgence aujourd'hui, elle est réelle. Et elle est particulièrement réelle dans les populations qui sont minoritaires. Et je pense que c'est un gros souci, notamment dans les cultures de l'imaginaire aujourd'hui, de croire qu'on est dépolitisé et on peut faire des choses qui sont pas politiques. Alors moi, je suis pas quelqu'un qui veut à tout prix tout politiser. C'est juste ce que je suis et la manière dont je m'exprime et la manière dont j'articule ma présence au monde, elle est forcément politisée. J'ai pas le choix en fait. Mon corps est politisé de facto quoi. Et du coup, ben Je veux pas, moi je peux pas être avec des gens tièdes. Enfin, je veux dire, vous savez, ça fait 30 ans que je travaille et ça fait 30 ans que je me fais bouncer de partout et que je me fais têche parce qu'il y a des gens qui me font confiance parce que esthétiquement ou plastique, enfin, j'en sais rien, c'est intéressant ce que je fais, mais derrière, en fait, ils peuvent pas assumer ce qui se passe. Et encore aujourd'hui, hein, je veux dire, des gens viennent me chercher, veulent travailler avec moi, me proposent de mettre en jeu cet engagement dont vous parlez, et au final, à 10 mètres de la ligne d'arrivée, c'est des gens qui rebroussent chemin parce que financièrement ça peut ne pas coller ou marketingement ils n'arrivent pas à faire les choses, aller jusqu'au bout de quelque chose, c'est compliqué pour moi, c'est compliqué pour le monde autour de moi. Et du coup, m'engager, c'est pas tant m'engager pour des gens qui sont avec des gens qui sont politiquement engagés ou tièdes, c'est m'engager avec quelqu'un qui est capable d'aller jusqu'au bout avec moi, quel que soit ce bout, et de continuer à me suivre derrière. Et c'est en ce sens-là que la Volte est pour moi autre chose qu'une famille. C'est avant tout une maison d'éditeurs, une maison d'édition d'auteurs et d'autrices, c'est-à-dire des gens qui sont derrière des personnes et derrière des paroles, et pas simplement derrière des chiffres, et pas simplement derrière des buzzwords ou des trucs comme ça. C'est des gens qui accompagnent, c'est des gens qui savent être là quand ça va pas et quand ça marche pas. Mathias Echenet, comment vous recevez ces paroles fortes de Sabrina Calvo? C'est Sabrina, évidemment, dans un champ à Londres. Je savais même pas qu'elle était à Londres, dans un champ à Londres avec des avions. Donc oui, c'est Sabrina. Donc tout à fait, je la reconnais. D'abord, oui, enfin, c'est exactement ça. Et ce qu'on fait avec, enfin, ce que je suis avec Sabrina, c'est d'être une sorte de soutien, de support, d'accompagnant, de plein de choses, de là où je peux, et on en discute régulièrement, de là où je peux me rendre utile et l'aider à aboutir sur d'autres choses, à travailler là-dessus, voilà. Et puis que ce soit Sabrina ou les autres, mais Sabrina, m'ont beaucoup fait changer aussi. Enfin, donc voilà, bon, moi j'ai plein de chance, je suis là où peut-être que je devais être, mais voilà, c'est, quand Sabrina dit c'est une maison d'auteurs et d'autrices, ça veut dire, enfin là aussi c'est comme quand tout à l'heure François Angelier parlait d'écriture, enfin ce sont des mots très utilisés, mais en fait ils ont pour moi un sens très fort. Dire Mathias Echeneck, ce sont les autrices et les auteurs de La Volte qui définissent par leur création la ligne éditoriale de votre maison d'édition et que vous n'imposez rien et vous recevez juste, vous récoltez juste et vous canalisez ça dans des livres avec l'estampillage La Volte. Oui, à partir du moment où effectivement sur des auteurs et des autrices que j'aime et que j'accompagne, enfin je les aime en tant qu'auteur et autrice, pas seulement en tant qu'être humain, finalement j'évolue avec eux, bien entendu que, et c'est compliqué de dire quand ça va, quand je pense que le livre tient pas la route ou voilà, mais en effet c'est vraiment c'est drôle quand beaucoup de maisons d'édition définissent une ligne éditoriale avant ou finalement nous elle se fait après, mais elle est cohérente par l'accompagnement et l'évolution de des écritures de ces auteurs et de ces autrices. Naïel Ashkar, vous qui êtes au quotidien pour parler en dialogue avec Mathias Echeneck sur ces questions de ligne éditoriale qui doivent forcément à un moment donné survenir, comment est-ce que vous considérez cette ligne là et je vous repose la même question, est-ce que vous pensez que ce sont essentiellement les autrices et les auteurs qui définissent cette ligne? Alors c'est très drôle parce que j'en parlais justement avec Nikita qui tient le rayon science-fiction de la librairie Flagey et on lui avait présenté plusieurs titres dont certains avaient une orientation très engagée, notamment sur les luttes queer et féministes. Je parle là de Sirène debout, mais aussi de l'ensemble de l'œuvre de Sabrina Calvo. Et Nikita et sa collègue me demandaient si c'était comment on en était arrivé là. Et je pense qu'on en est arrivé là au contact de nos auteurs, justement. Moi, je sais que rencontrer Sabrina, ça m'a éveillé à énormément de choses. Et ça m'a fait grandir, d'une part, en me confrontant à des violences à laquelle elle a pu être confrontée à des moments et que je n'avais même pas envisagé. Et je pense que c'est ça aussi qui nous fait évoluer dans la manière de politiser justement notre ligne. Non pas au sens du militantisme, mais au sens de comment on fait société ensemble et comment on fait pour que ça se passe bien et pour être dans le prendre soin de tout le monde. Sabrina Calvo, est-ce que vous êtes toujours avec nous ou est-ce que vous êtes envolée? Non, je suis là, j'ai trouvé super. Une cabane. Je suis dans une espèce d'endroit avec plusieurs arbres. C'est parfait. Alors quand est-ce qu'on peut lire le prochain Sabrina Calvo? Dis donc Sabrina. Ça arrive. Alors, je pense que Mathias m'écrit à peu près tous les deux jours pour me demander la fin de ce livre. Je suis dans la dernière ligne droite de ce livre qui est un livre extrêmement compliqué parce que il fait appel à plein d'endroits de mon rapport à plein de choses et du coup essayer d'amener des fils disparates d'une vie et d'une écriture à un endroit de signifiant qui soit pas juste de l'autofiction ou de la morale intellectuelle, mais qui soit vraiment un endroit qui fasse une proposition de science-fiction qui a toujours été mon moteur. Et c'est pour ça que j'ai toujours accepté d'être ça, parce que beaucoup m'ont dit Sabrina fait pas de la science-fiction, fait machin, mais moi en fait moi ça me va très bien d'en faire, parce que c'est un endroit où finalement j'ai toujours dit que c'était une niche dans une niche, et moi j'aime bien les niches dans les niches, parce que comme ça on est vraiment libre de pouvoir aller explorer des choses, et en fait on se rend compte qu'on est bien plus libre qu'il y a des gens qui mettent des cases de liberté en fait, et du coup j'en suis à ce moment-là de négociation avec moi-même, et je suis dans les dernières pages et ça devrait arriver là maintenant tout de suite, demain. Évidemment, hâte on verra, de vous retrouver. Je crois que c'est prévu pour septembre, si on est optimiste. Il y a trois semaines, c'était mai. Ouais. Mais je pense que là, vu le planning, je pense que ce sera plutôt septembre. Bon, alors, on vous libère, Sabrina Calvo. On va vous libérer pour que vous puissiez aller bosser tranquillement. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir fait un détour par chez nous. Et à très bientôt. Ciao, ciao. Il y a un élément, Mathias Echeneck, dans ce qu'on voit, ce qu'on perçoit de loin dans vos propos de la maison d'édition de La Volte. C'est aussi une espèce de croisement de plusieurs générations d'autrices, d'auteurs de science-fiction. On parlait tout à l'heure de Philippe Curval, pionnier de la SF, de Sabrina Calvo, de Alain Damasio, qui appartiennent à une génération qui sont un peu la relève de ces pionniers. Et puis François Angelier tout à l'heure évoquait Léo Henry, qui sont eux plutôt on parlera tout à l'heure de Luvan, de cette jeune garde. Quelle importance ça a aussi de faire se croiser toutes ces générations-là pour la vitalité d'une maison d'édition et le renouvellement de ces idées, de ces réflexions? Là, je dirais que c'est venu naturellement. Mais quand même, je me pose régulièrement la question en disant « Mais on est vieux, il n'y a plus que des vieux. » Enfin, Léo et Luvan, ils sont... dans les écrivains-écrivaines, Léo et Luvan, ça fait 20 ans qu'ils écrivent. Enfin, ça ne veut pas dire que ce soit pas bien. Et c'est génial, hein, et c'est incroyable comme ils se renouvellent, bien sûr. Mais oui, j'aimerais bien... je suis vigilant à découvrir aussi des nouvelles voies. Donc voilà, donc c'est tout ça qui est entrecroisé. Alors, des nouvelles voies, en fait, on en a trouvé quand on a fait un appel à texte sur un recueil de nouvelles qui s'appelle Sur la santé. C'était il y a 3 ans. On l'avait fait juste avant le Covid. Sauf qu'il peut demain la santé. Oui. Ouais. Et là, c'était vraiment un appel à texte. Donc je considère qu'on a vraiment, enfin, découvert. On a offert une ouverture à pas mal de nouvelles voies. Comme ça, je dirais 5-6 que je suis. Donc, j'ai refusé certains des manuscrits, mais on en a beaucoup discuté. Donc, j'attends la suite. Voilà. Donc, là, par exemple, on a Mélanie Fievet, qu'on avait déjà repérée avant cet appel-là, qui avait été repérée même par Folio, parce qu'elle avait écrit une fanfiction autour de la Horde du Contrevent. Mmh. Voilà. Donc, il y a encore cette génération-là qui arrive, qu'on a en nouvelles, qu'on a un peu on en a plusieurs derrière Paquel, dans une collection de novellas, qui s'appelle Utopia. Donc voilà. Donc oui, c'est très important. Et puis je voudrais qu'ils se mélangent. Donc comment j'aménage des rencontres? Enfin, c'est ma vie, ça. C'est aménager les rencontres. Donc comment ils se côtoient, mm-hmm. comment ils font la fête, mais comment ils peuvent écrire ensemble? Comment un Michael Rock peut, qui a toujours suivi Alain Damasio, comment Alain peut aussi s'inspirer, enfin, pas s'inspirer, mais être aussi traversé par ce que porte Michael. Voilà. Mm. Donc oui, ça, c'est un souhait un peu démiurgique, mais ça se fait ou ça se fait pas. Naël Ashkar, sur cet aspect voilà de renouvellement des générations, on évoquait aussi tout à l'heure, on parle beaucoup en fait depuis le début de l'émission, puisqu'on doit avancer, on parle beaucoup depuis le début de l'émission d'éditeurs, d'auteurs. Le livre, ce n'est pas qu'un éditeur, une éditrice, une autrice, un auteur, c'est tout un écosystème, toute une galaxie de petites mains, d'artisans qui vont faire en sorte que de l'écriture du livre jusqu'à ce qu'il arrive dans nos mains de lecteurs, il se passe ce qui se passe et que le livre arrive. Alors, est-ce qu'on peut aussi parler de ce travail-là et de cette collaboration, notamment avec les libraires, mais aussi avec les fabricants? Comment est-ce que vous, vous travaillez au quotidien avec ces personnes-là? Alors, j'ai la chance d'être dans une maison d'édition qui publie très peu de titres, ce qui permet de travailler vraiment tous les titres au cas par cas et de chercher les bonnes personnes pour porter le bon titre. Donc ça passe bien entendu par les libraires, que ce soit libraires généralistes, mais aussi librairies militantes avec qui on travaille de plus en plus. Et ça passe aussi par la recherche d'autres partenaires. Je sais que beaucoup de libraires sont actifs sur les réseaux sociaux et eux, en général, sont d'excellents conseils pour nous aider à porter les livres. Donc c'est vraiment un partenariat. Je me rappelle, je suis rentrée dans le métier, je me suis dit que je voulais tirer dans les pattes de personne quand je suis arrivée. Et j'ai des confrères qui sont dans d'autres maisons d'édition avec qui on travaille en bonne intelligence. Quand j'ai besoin d'un service que je ne maîtrise pas, c'est souvent eux que j'appelle. Et puis c'est eux qui vont m'orienter plutôt vers certaines librairies, vers certains lecteurs, vers certains blogs. Et je trouve que c'est beau, je trouve qu'on est... On est très peu jaloux de nos succès et de nos carnets d'adresses dans le milieu de la science-fiction et ça fait plaisir. François Angelier, je vous libère, vous avez enfilé votre cape. Et je n'étais pas asservi ni enchaîné. Vous courez vers d'autres aventures. Merci beaucoup en tout cas d'avoir fait un petit détour. Puis merci, bon anniversaire à la Volte. Le combat continue, et l'aventure aussi. Et continuera d'être présent à Mauvais Genre pour avoir l'oreille et l'œil à ce qui va se passer. Mauvais Genre, tous les 15h à dimanche sur France Culture. Merci à très bientôt. Merci. François Angelier, Mathias Echenet, sur cette question de la fabrication aussi qui est essentielle et de ce suivi très logistique, très matériel. Ouais, il y a l'amont et l'aval. Et donc, autour de nous, il y a Naï, effectivement, qui a rejoint, donc, comme tu l'as dit, il y a 3 ans, Naï, la maison, et ça m'est c'est très important pour moi parce que ça me permet parfois d'avoir des crises de lucidité. Enfin, son boulot, c'est de me contrarier. Enfin, c'est pas le fait pas que ça, c'est de me contrarier. Enfin, voilà, je, même si d'ailleurs j'accompagne plein d'autres maisons d'édition, je vois bien que quand on est éditeur, on n'est pas lucide d'ailleurs. Donc, voilà. Donc, le fait d'être deux et trois avec Louis, le fait d'être plusieurs, ça me permet quand même de me confronter tout de suite à, voilà, à la limite de mes délires. C'est drôle de prendre, de renverser les choses, que... c'est drôle de faire les choses à l'envers, mais bon, l'idée, c'est quand même de faire en sorte que les livres et les auteurs et les autrices en soient pas des victimes. Ouais, parce qu'il faut dire que vous compliquez la tâche d'une certaine façon, parce que une des spécificités de la Volte, c'est qu'elle fait exister les livres au-delà du livre. Et ça passe par beaucoup de vecteurs, et notamment par le son. Et à ce propos, je vous propose d'écouter une complice de la Volte depuis 10 ans. Il s'agit de Floriane Pochon, qui est la créatrice de Faune Radio, créatrice sonore, et qui vous a accompagnée dans l'adaptation de certains livres à la Volte. On dit souvent du son qu'il est à la marge, et idem pour la science-fiction, alors que dans le fond, les deux créent de la marge, de manœuvre, de penser, de sentir, et on crée un nouvel espace, donc on fait de la place pour de nouvelles questions, des nouvelles perceptions, des nouveaux récits, de nouveaux liens. En fait, c'est dans cet interstice que le compagnonnage entre la maison d'édition La Volte et la maison d'audition Faune Radio s'invente depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Et j'aime assez l'idée que cette complicité qui est très organique, très intuitive, échappe justement aux définitions figées, comme on nous demande parfois, et que le croisement des écritures sonores et littéraires permet justement de se mettre en mouvement mutuellement, et que ce serait un peu comme toute la joie des dialogues interespèces. Donc concrètement, parfois ça prend la forme de textes qui sont adaptés pour les oreilles, parfois ce sont des pièces audio qui inspirent des mots, et parfois ce sont des coécritures hybrides, comme pour les balades sonores par exemple. Et on essaie en fait d'inventer à chaque nouvelle occasion, et tout est toujours possible en fait, tout reste ouvert en permanence. Vous qui faites de la création sonore, dont c'est le métier, et qui explorez ces territoires du son, quelle matière sonore vous trouvez particulièrement dans la science-fiction que vous ne trouveriez pas dans d'autres mondes et dans d'autres horizons? Alors pour le coup, l'anticipation, c'est plutôt le travail des écrivains et des auteurs. Moi, j'aime bien revenir dans le présent instantané, en fait, vraiment dans le présent, dans le moment présent. Mais par contre, ce que je trouve entre les lignes en science-fiction, c'est vraiment un souffle particulier qui est probablement celui d'une liberté de penser en dehors des cadres, mais qui n'est pas hors sol, en fait. C'est-à-dire que, finalement, dystopique ou utopique, peu importe, il y a du topique, comme dirait Camille de Toledo, c'est-à-dire un ancrage, en fait, en un lieu, des attaches, mais qui clouent jamais au sol, en fait, qui sont au contraire une manière de donner des ailes et de la force pour avancer, pour se transformer. Et c'est un point de départ intéressant. On peut aller très loin dans les jeux de composition sonore et de métamorphose, surtout avec les auteurs de La Volte qui ont souvent un sens du rythme très particulier. Après, ce qui m'intéresse souvent en littérature, c'est précisément ce qui n'est pas écrit, tout ce que le langage ne dit pas, ce qui est sous-entendu, comme un genre d'au-delà de la parole, en fait, auquel le son, lui, peut tenter de donner une forme autre, peut-être, qui reste ouverte et en mouvement pour celui qui lit et ou écoute. Il y a beaucoup de choses encore à inventer. Il y a eu quelques tentatives, mais on n'a jamais fini. Enfin, on n'en fait jamais le tour. Et sinon, dans les projets actuels, mais il y a pas mal de choses sur le feu. Mais dans les choses à venir, sans hésiter, je vous réponds en premier lieu à Graphone, qui est la version radio d'une installation sonore qu'on a imaginée avec Luvan. Lors d'une résidence au long cours à l'abbaye de Beauport en Bretagne, à partir de son roman magnifique, La Agrafa, qui est un récit poétique d'une communauté de 8 femmes au Moyen-Âge. Et ce texte-là, son écriture a trouvé vraiment un écho très particulier là-bas, aussi bien dans les lieux eux-mêmes, qui sont chargés d'histoire, qu'auprès des femmes qu'on y a rencontrées. Et voilà, le temps de cette création, c'est vraiment un petit moment de grâce qui redonne un peu d'espoir dans le monde actuel. On peut prendre quelques secondes pour avoir un petit aperçu de cette création à Graphone avec Luvan en avant-première, puisqu'elle n'est pas encore publique. On écoute ça tout de suite. Merci beaucoup, Floriane Pochon. Sans parole, le cosmos s'élargit. Les cris des bestiaires et la musique des sources, des vagues et des feuilles, ce qui fera une gigote. tout cela grandit. Sans nos mots, l'arrière-plan devient le premier et nous passons au second. Réciproquement, tandis que l'univers grossit, l'espace entre nous rapetisse. Sans parole, nous sommes plus unis. Proches comme des grains des grappes. Voilà. C'est sans fin, en fait, finalement, à partir du moment où le livre est là, Mathias Echenet, on peut continuer de créer ces mondes ailleurs. Oui, là aussi, c'est vraiment naturel. C'est pas un développement ou c'est pas des produits dérivés ou quoi que ce soit. La rencontre avec Florian, qui a d'abord rencontré Alain Damasio, qui d'ailleurs en a fait un de ses modèles dans Les Furtifs, c'est la traqueuse sonique, c'est elle. Et elle nous a fait découvrir des mondes, et moi j'ai découvert des mondes. Mais en fait, je me disais, voilà, c'est ma vie. J'ai toujours été très sensible à la musique, mais un côté qui me fait vibrer, enfin vraiment, c'est une question de vibration et d'émotion, et le son, beaucoup. Et le son et le verbe, ça va ensemble. Et c'est vrai que les textes qu'on a édités, sont naturellement portés en son, enfin. Et c'est pour ce ça que certains textes qui tous ont un rapport particulier au langage et qui interrogent le langage d'une façon que d'autres textes peut-être plus classiques de science-fiction ne font pas. Oui, enfin voilà, sans se comparer aux autres, c'est ça. C'est il y a quelque chose. Et là, quand j'écoutais Florian, c'est ça. C'est il y a quelque chose de l'ordre de la recherche du son, la recherche d'une vibration, la recherche de voilà. Et en effet, je parle plus de langage que de style. Mmh. Et voilà. Et donc Agrafa, c'est exactement ça. Et en même temps, quand je pense au premier livre qu'on a édité, je l'avais pas choisi. Enfin, j'avais choisi le livre, mais j'avais pas choisi. C'est Alain qui m'a imposé le fait, enfin imposé, qui m'a dit au fait, il y a Arnaud Alivan qui va faire la bande originale du livre. Donc c'était un CD. Hein. Mm-hmm. Maintenant, on fait plus de CD, on fait des cartes de téléchargement. Et le dernier, là, j'ai fait un oratorio des Furtifs avec une carte de téléchargement dedans. Mais on a fait 8 ou 10 livres avec des albums, mais qui étaient un prolongement, qui sont pas des adaptations. Et donc finalement, c'était écrit. Dès le départ, le premier livre de La Horde, il y avait un CD avec une sorte de prolongement musical et avec du texte, mais qui n'était pas une adaptation, qui est vraiment un écho. Nayel Ashkar, vous, quel sens vous donnez justement à ces au-delà du livre que proposent ces non pas transcriptions ni adaptations, mais ces prolongements sonores et autres? Parce qu'on va parler ensuite, bien sûr, de l'aspect aussi muséal avec l'exposition. J'ai pas grand-chose à dire là-dessus, si ce n'est que j'ai toujours rêvé d'entendre un furtif. Et avec le travail qu'a fourni la compagnie Roland Furieux, qui est basée à Metz et qui a créé la bande son, en fait le spectacle sonore autour des Furtifs, je peux dire que j'ai quelque part réalisé un peu mon rêve. Et puis que c'est du jazz expérimental, c'est de la musique expérimentale, donc c'est forcément ma cam. Improvisé, oui, je sais même pas si... Enfin, oui. Enfin, nous, on a toujours un côté expérimental, mais ça a aussi souvent un côté rébarbatif de dire expérimental. Donc, ouais, il y a quelque chose d'exploration, que ce soit dans l'écriture sonore. Voilà, c'est tout ça, c'est. Mais voilà, c'est pas prévu, quoi. Voilà, c'est ce que voilà. Et ce qui est intéressant, Mathias Echenet, c'est que j'évoquais une exposition, là, pour le coup, comment la science-fiction littéraire s'installe, ou en tout cas va dialoguer avec des œuvres plastiques. J'ai pu m'entretenir avec Alexandra Müller, qui est commissaire d'exposition au Centre Pompidou à Metz, qui avait dirigé une exposition qui s'appelle Les Portes du Possible, qui a eu lieu de novembre 2022 à avril 2023. Là aussi, c'est des complicités, des dialogues qui se nouent et qui doivent beaucoup vous enrichir dans le cadre de votre travail. Ah oui, c'était. Enfin, voilà, on la connaissait, on l'a rencontrée pour la circonstance, donc c'était drôle. J'y suis allé avec Alain la première fois, qui a dit oui, qui voulait avec Florian, toujours la même, qui voulait absolument faire les créations sonores de l'ascenseur et faire la musique de fin et faire la musique de sortie du musée. Et ils l'ont fait, enfin peut-être pas la musique de fin, mais en tout cas dans les ascenseurs, voilà. Et puis avec Philippe Curval et Ariel Kirou, on a arpenté, qui était un grand amateur d'art, et il avait deux de ses œuvres en plus exposées. Voilà, enfin c'était, oui, ça c'était vraiment la grande exposition française, enfin française en France, mais qui évidemment n'était pas que sur les francophones. Et on avait eu la chance, nous, Natacha Trio avait eu la chance de s'y rendre pour enregistrer une émission. On va vous mettre le lien vers cette émission et sur la page de notre émission du jour et bien sûr sur X. Il y a aussi une expo à venir aux Imaginales en 2020, en mai 2024 à Épinal, Mathias Echenet. Alors là, ce sera plus concentré autour des éditions de la Volte. Comment vous allez faire en sorte que ça ressemble pas à une expo qui sera un peu la naphtaline? Ah, c'est ça, oui. C'est exactement ça. Ouais, c'est bien, c'est ça la question. C'est né donc de façon concomitante une exposition aux Imaginales, Gilles Francescano avait proposé, et aussi un livre. Et en fait, voilà, on a peut-être, enfin, on verra après ce que les gens penseront de l'objet final, mais on s'en approche de l'objet final. Ça va bientôt partir en impression. Je suis censé donner un BAT aujourd'hui, mais j'ai pas fait. C'est proposé à 20 artistes extrêmement différents. Il y en a certains que je connais pas. Il y en a d'autres qui sont des compagnons, qui ont illustré des couvertures, qui, voilà. Et 20 artistes très différents, que ce soit plasticiens ou illustrateurs de BD ou street artistes, de se saisir d'un univers de la Volte, d'un roman ou d'une nouvelle. Ils ont pas le droit de prendre la même. Donc là, il fallait jouer avec ça. Et donc, c'est de rendre compte par l'image. Donc il y a le livre ou l'exposition, enfin l'exposition, il y a une illustration par univers. Dans le livre, qu'on sortira au même moment, qui s'appelle V, il y aura 3 illustrations par univers. Il y a un extrait du texte, parce qu'il faut entendre le texte, hein, toujours. On aime bien, d'ailleurs, dans toutes nos interventions, faire entendre le texte, que ce soit Luvan, Alain, Léo, on commence souvent par un texte lu, à entendre. Donc il y a un extrait de texte, et puis il y a une petite présentation de l'artiste, de son lien avec l'œuvre, et c'est tout. On raconte pas d'histoire. Voilà, donc ça peut donner lieu à des rencontres. On peut être traversé, bousculé, on peut ne pas aimer. Mais le lien, là, pour le coup, le prolongement se fait par l'image. Et on a hâte de voir ça. Ce sera donc aux Imaginales à Épinal en mai. Avec un livre, oui, c'est ça. C'est-à-dire, en plus, ça c'est l'anecdote, mais ça raconte un peu la Volte. Je me suis aperçu qu'on allait perdre tellement d'argent sur le livre. Faut pas dire ça, Naï, c'est ça. Non, j'aime bien. Dire. Rien que pour, non, mais je fais des fois rien pour voir sa tête. C'est très très drôle. Donc, c'est tellement, voilà, évidemment, on fait le plus beau livre possible, on paye tout le monde, évidemment, et du coup, on va lancer un tirage de tête pour essayer de, en lançant même une souscription, ce qu'on n'a jamais fait, en lançant même une souscription pour permettre de faire en sorte que ce livre soit vraiment, passe entre toutes les mains. Donc, il y a un album qui sort et puis il y a un tirage de tête. On approche doucement mais sûrement de la fin de cette émission. J'aimerais vous faire entendre une autre voix, c'est celle d'un des représentants de la jeune garde de la Volte, Michael Rock, auteur de Témaron, que j'ai eu au téléphone la semaine dernière. Je lui souhaite de flouter encore plus les frontières littéraires et de porter toujours plus haut, toujours plus loin les regards alternatifs qu'on peut avoir sur le monde, sur la société actuelle. Quand Mathias Echenet parle du fait qu'il publie de la science-fiction, on sait que derrière ça, en réalité, il dépasse ce genre-là, ce genre particulier. Quand vous parlez de flouter, ça m'intrigue. Ça recouvre quoi, cette notion de flou chez vous et dans ce que vous dites là? Moi, ça m'intrigue, cette notion de flou. Vous définiriez comment ce besoin de flouter un petit peu les limites? C'est une notion, je pense, d'emmêlement et de connexion. C'est venir déconstruire un petit peu la fixité des genres telle qu'on la donne dans nos rayons et dans nos étagères de librairie, et venir créer non plus des simples romans, mais des organismes littéraires à part entière qui vont avoir une part de voyage, d'imaginaire, que ce soit de la science-fiction ou de la fantasy, d'historicité aussi. On a des romans historiques dans la collection de la Volte. En tout cas, de la fiction historique. Voilà, c'est venir connecter tous ces genres-là et les connecter à ce regard alternatif sur la société dont je parle, venir se emprunter à la philosophie, emprunter à la poésie, fonctionner en fait à la manière d'un rhizome, selon le terme de Glissant, selon le terme de Deleuze aussi, au sein de la littérature. Je pense que c'est aussi ça qui rend une littérature politique, c'est qu'elle vient emprunter à tous les substrats pour créer ce flou, cet emmêlement. Naël Ashkar, je vous vois prendre beaucoup de notes depuis le début de cette émission. Vous êtes la scribe de ces 20 ans. Qu'est-ce qui dans ce propos de Michael Rock vous parle et fait que vous prenez autant de notes? Enfin, c'est surtout la notion d'organisme qui évoque, mais aussi le politique. Je trouve Ce qui est très, très intéressant dans notre catalogue, pour le coup, c'est qu'on n'a quasiment pas de dystopie. Et Mathias et moi, on s'est énormément nourris de la lecture d'un livre qui s'appelle « Utopie radicale » d'Alice Karabédian, que je vous encourage tous à lire, et qui dit, en gros, que dans le monde actuel, on vit déjà dans un monde de science-fiction. La dystopie, en fait, a investi notre monde réel. Et finalement, à partir du moment où la dystopie investit son monde réel, elle n'a plus rien de subversif. Et c'est imaginer des univers contre-dystopiques, des univers de combat, mais aussi des univers où tout se passe bien. Et je pense que c'était la volonté de Mathias en créant la collection Utopia, oui, de Novella. Qu'on aboutit justement, enfin, à forger les imaginaires du futur. Parce qu'on est toujours nourri par des choses, et si on est nourri par des univers qui nous disent qu'on va tous mourir et que on va tout est foutu et que tout est foutu, bah on n'a plus qu'à construire des bunkers dans notre jardin, oui, faire un trou et puis s'y mettre et puis attendre. Oui, un beau feu d'artifice, faire le côté dystopique, oui. Aussi, voilà. Ouais. Et c'est les derniers, quoi. Ouais. Et c'est extrêmement mortifère quand on y pense. Et c'est ce que j'ai retrouvé aussi dans énormément de nos livres, dans Terre marron de Michael Rock, mais aussi dans La zone du dehors d'Alain Damasio. C'est que vivre, c'est se battre et c'est sentir son cœur battre. 20 ans, Mathias Echner. Toutes mes dents. Ouais. 20 ans, toutes vos dents. Ouais. Je vous pose la même question. Quel combat je peux vous souhaiter? Et voilà, comme le disait Nagel Ashkar, vivre, c'est se battre aussi. Donc, tout a été dit. Tout a été dit là-dessus. C'est-à-dire, comment. Enfin, je crois que tout va pour. C'est pas une étape, voilà, c'est une occasion de parler de nous faire parler, de réfléchir aussi à ce qu'on aime et tout ça. Et voilà, pour moi, c'est continuer, mais continuer, effectivement, et c'est par des rencontres, par des nouvelles expériences, en renversant certaines façons de faire, en essayant de faire en sorte que ce soit pas au détriment de mon entourage, pour garder, ouais, on a parlé de fraîcheur à un moment, on a parlé de renouveler et tout ça, donc c'est garder le mouvement, ouais, c'est créer le mouvement, être dans le mouvement, entrelacer tout ça, donc c'est continuer, mais de façon extrêmement agitée parfois, mais en tout cas dans la mouvance. Et en effet, on a depuis le début, et ça dès le début, Alain et la plupart des auteurs et autrices qui nous ont rejoints, on s'est en commun, on a dit le langage, un travail avec le langage, un rapport au monde, mais quelque chose qui est plus de l'ordre de l'utopie ou de l'utopie de combat en tout cas pas la dystopie, ça c'est quand même pas vraiment notre truc. Faites-nous rêver un peu, alors du coup, on a parlé du prochain livre de Sabrina Calvo, quels sont les autres livres qui sont au chaud, en train de cuire? Ouais, au chaud, ouais, ils sont bien chauds, puisque effectivement, on a là, on termine la lecture des 210 nouvelles qu'on a reçues sur le thème de la ville. Un peu dans la lignée de ces livres, de ces recueils, donc Demain la santé. Ouais, c'est ça, ça fait très sérieux. On a fait le travail, la santé. Alors, il y a Léo, le livre blanc. Normalement, ouais, c'est ça. Il y a Léo qui propose à chaque fois avec Stéphane Beauverger. Ils doivent proposer des choses un peu plus délirantes parce que quand même, ça fait très sérieux. Après, on peut être sérieux et pas être sérieux en même temps. Donc là, on termine la lecture des nouvelles et ça sortira en septembre. Enfin, on termine la lecture, ensuite on fait une sélection. Donc là, on est 8, 9. Il y a des urbanistes, il y a des lecteurs, des amis, des auteurs, des autrices. Pour sélectionner ça, donc ça sera un moment important parce qu'on fera justement, on organisera des rencontres avec des architectes, on parlera de la ville. Et puis il y a le prochain livre de Michael Rock qu'on a entendu là, qui sortira en octobre. Donc ça fait pas mal de Calvo, choses. Michael Rock, la ville. On fait très peu de livres, mais c'est vrai, ouais, c'est intense. Ouais. Et puis on a aussi hâte de tenir entre nos mains le livre anniversaire des 20 ans de la Volte, sobrement intitulé V, qui paraîtra à la mi-mai 2024. Merci beaucoup à tous les deux, Nahiel Ashkar, Mathias Echner, de nous avoir fait l'honneur de venir souffler les 20 bougies de la Volte dans la science CQFD. On vous souhaite de continuer à faire tomber des murs et évidemment une très longue vie. À présent, il est l'heure, comme chaque jour, de retrouver Alexandra Delbo et sa chronique Avec Science. Comment attester de la navigation maritime en Méditerranée? Les preuves matérielles résistent mal au temps. Le bois, le bambou ou les peaux sont des matériaux qui se dégradent, d'autant plus dans une eau salée. Il faut donc des conditions assez exceptionnelles pour que ces structures parviennent jusqu'à nous. Un chiffre pour l'illustrer, sur l'ensemble du néolithique, donc entre moins 6000 avant notre ère et moins 2000, on ne dispose que d'une trentaine d'embarcations. C'est peu, mais aux côtés de ces preuves matérielles palpables, il y en a une autre, moins évidente, évidentes de prime abord et pourtant qui attestent forcément d'une navigation. À travers les mers, ce sont les populations insulaires. Et oui, si les îles sont peuplées, eh bien, c'est que des humains ont traversé. Michel Philippe est archéologue et chercheur associé au CNRS, au laboratoire archéologie et territoire de l'Université de Tours. Tout simplement parce que c'est au moment où on va avoir des navigations pionnières vers les îles qu'on va pouvoir établir l'existence d'une navigation. Par exemple, à l'intérieur des terres, le long des fleuves, il y a peut-être eu des navigations, mais pour faire la part des déplacements à pied ou en bateau sur cette même voie d'eau, on ne pourra pas la faire, nous, préhistoriens, si on n'a pas les bateaux. Par contre, pour les îles, à partir du moment où on a les hommes qui s'installent sur une île, il est évident qu'il y a eu des bateaux, pourvu que la mer ait été là à ce moment-là, parce que vous savez qu'il y a eu des différences de niveau des mers. Donc jusqu'à 10 000 avant notre ère, on avait une mer qui était à 120 mètres en dessous du niveau actuel. Et donc ces premières preuves, on va les trouver dans le monde, dans les îles indonésiennes, et elles remontent à plusieurs centaines de milliers d'années. Donc c'est extrêmement ancien. Les premières preuves d'utilisation d'embarcations sont extrêmement anciennes. Ce n'est pas en Europe, hein, mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas existé. Nous n'en avons pas la trace. Les premières preuves qu'on a de navigation importante en Méditerranée, on va les avoir en Méditerranée orientale, autour de Chypre, autour de Mélos, et là on va être vers 9000 avant notre ère. Il est fondamental de trouver des preuves archéologiques pour appréhender l'histoire de la navigation et l'affiner. Et c'est donc une nouvelle découverte qui est rapportée dans cette étude parue dans PLOS ONE. Elle a eu lieu sur un site archéologique très connu de la Marmota, au bord du lac de Bracciano en Italie, qui date du milieu du 6e millénaire avant notre ère. 5 pirogues ont été révélées au grand jour et leur datation au carbone 14 indique que le bois utilisé pour les façonner a été coupé autour de 5500 avant notre ère. Donc, est-ce que ça recule la date de début de navigation maritime dans la région? Eh bien non, ça ne recule rien. Et c'est là où il ne faut pas se tromper dans l'interprétation des résultats. Les humains traversaient à bateau une partie de la Méditerranée plus de 7000 ans avant notre ère, puisque c'est à cette période que sont apparues les premières populations corses, sardes et siciliennes. Donc, il n'y a pas de recul. En revanche, cette découverte reste exceptionnelle et confirme que la navigation néolithique existait bien dans ce lac, mais aussi dans la mer. L'intérêt de ce site, c'est de montrer 5 pirogues monoxyles, c'est-à-dire construites dans une grume de bois. On creuse une cuve dans cette grume de bois et ensuite, ça fait un bateau tout à fait efficient. Il y a beaucoup de boulot, hein. Ça va faire un mois de travail à peu près de construction pour un bateau comme ça. Et qui plus est, qui sont liés aux habitations. Et ça, c'est extrêmement rare. Elles sont en fait dans leur situation de stockage quotidien au pied des habitations. Donc on a là une population qui vivait au bord d'un lac, mais ça n'empêche pas qu'ils aient pu s'aventurer sur le fleuve, qu'ils devaient parfaitement connaître, et donc rejoindre la mer à 40 km, et sur la côte, il y avait sans doute d'autres occupations. Donc en fait, cette découverte majeure n'établit pas une ancienneté inconnue jusque-là des navigations. Ce site établit qu'on a là-bas un ensemble de pirogues monoxyles qui est tout à fait unique. Ces pirogues monoxyles, comprenées en un seul morceau, s'ajoutent donc aux rares embarcations du néolithique. Reste que ce domaine fait face à un déficit de vestiges archéologiques, vous l'avez compris. Et donc, aux côtés des mouvements de population et de la diffusion des traditions orales et écrites, il y a un autre moyen de trouver des preuves en les créant de toutes pièces. C'est l'archéologie expérimentale et ce que font les scientifiques et bénévoles des projets Néonav et Kourouk, dont fait partie ce chercheur. Le but est de fabriquer avec les mêmes techniques des embarcations du néolithique, en l'occurrence bretonne, afin de tester leurs capacités. Merci beaucoup Alexandra Delbo, on vous retrouve bientôt pour votre prochaine chronique avec Science. Il n'y a pas de secret, quoi. Il n'y a pas de secret, il y a une vérité simple, sobre, crue, quoi. Alain, la horde du contrevent, tu la réussiras uniquement, quoi. Uniquement si tu t'isoles. Si tu t'isoles, quoi. Tu comprends ce que ça veut dire isole? Isola, l'île, quoi. On ne pouvait pas finir ces 20 ans de la Volte sans un extrait de la voix d'Alain Damasio et du morceau Bora Vocal qu'il avait fait avec le musicien Rhône. Un grand merci à toute l'équipe de la science CQFD, Natacha Triou, Noémie Naguette-Saint-Vulfrance, Céline Lozen, Garance Prema Agnolo, Eve Etienne, Bruno Sansini, Alexandre Morales, Natacha Demoule, à la réalisation Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui Anthony Thomasson. Vous pouvez nous réécouter sur le site de France Culture ou bien sur l'appli Radio France. On se retrouve très bientôt dans la science CQFD. En attendant, gardez le bon cap, il y a toujours une terre de science en vue.